La cérémonie d'ouverture de la 15e exposition nationale des inventions et nouvelles techniques s'est tenue mardi au Palais des sciences et techniques à Pyongyang, en présence du vice-premier ministre Chun Kwang-ho et d'autres officiels intéressés. Y sont exposés plus de 1500 échantillons présentés par les scientifiques, techniciens, cadres et inventeurs du pays. Exposés selon les ministères, établissements centraux et les provinces, y compris la ville de Pyongyang, les réalisations contribueront au développement économique du pays et à l'amélioration de la vie de la population. Pendant l'exposition, il y aura aussi une exposition scientifique et technique et les échanges des articles intellectuels.